Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les années 70 ont été les années de la démocratisation du tennis, sport dans notre pays tout au moins, jusque-là peu accessible et réservé de fait à une minorité que l'on pouvait qualifier de favorisée. Longtemps d'ailleurs, le tennis et ses bonnes manières ne manqua pas aux classes populaires qui se passionnaient pour le cyclisme, la boxe ou le football. Les bonnes manières mises de côté, quelques bouleversements socio-économiques plus tard, portés par la télévision en couleur qui ouvrait à tous les portes des grands tournois internationaux, le tennis devenait un must. Cet engouement devait quelque chose à une génération de tennismen riche de la variété de ses caractères qui avaient fait des cours centraux leur théâtre. Ils s'appelaient Arthur Ashe, Lina Staes, Jimmy Connors, Björn Borg, John McEnroe, Guillermo Vilas, Ivan Lendl et offraient à tout un chacun, pour le meilleur, Ashe peut-être, et pour le pire, Connors sans doute, des visages dans lesquels se reconnaître. C'est à ce temps où, en attendant Noah, on était Borg ou McEnroe comme on avait été Beatles ou Rolling Stones, que nous ramène l'archive qui va suivre. C'était en 1979, Björn Borg, qui était numéro un mondial, allait gagner pour la quatrième fois Roland-Garros, et Les Nuits Magnétiques proposaient une série documentaire consacrée au tennis. Le tennis, sport et rebondissement, jeux, sets et matchs, premier d'une série en 5 volets proposée par Anne André et Anna de Carvalho, diffusée la première fois le 26 mars 1979 sur France Culture. Nuit magnétique. Nuit magnétique. Sport et rebondissement par Anne André, Anna de Carvalho, Yvette Tuchban. Deux balles. 4-0 de balle. Un peu de silence, je vous prie. Jeu, set et match. Avec Pierre Barthez, Patrice Dominguez, Juliette Mills, Virginia Ruzic, Ted Tinling, Ion Tiriac, Guillermo Vilas. Les joueurs vous demandent le silence. 34. C'est un jeu aussi, quoi. Surtout quand on s'amuse avec... Si on a plein d'amis, on fait tout un groupe. Bon, ben, on peut faire des doubles, même des tournantes sur un cours, des choses comme ça, plein de trucs. Alors là, c'est un jeu. Mais dans un tournoi, c'est le sport, quoi. C'est plus du tout le jeu. Il faut gagner. Enfin, il faut gagner si on peut. Si on aime ça et qu'on veut faire la compétition, c'est un vrai sport. Seulement, si on fait ça comme amateur, c'est pas vraiment un sport, c'est plus un jeu. Oui. When I play, I don't feel any pleasure. Guillermo Vilas. I feel only pleasure when I win. Quand je joue dans un tournoi, je n'ai aucun plaisir. Je l'ai seulement quand je gagne. When I'm playing tennis, I like to play tennis. But when you arrive to a point of perfection in tennis, you cannot enjoy it anymore. Quand on approche de la perfection, on n'a plus de plaisir. You don't concentrate. You don't play well. Double faute, 0-15. Jerry semble avoir des problèmes avec son service. Il tente d'employer une méthode pas très orthodoxe. Oui, Jerry marque 15 partout. So perfection is kind of... On ne peut à la fois se concentrer et avoir du plaisir. With the things. Il m'est impossible de penser au revers de Vilas, par exemple. Backhand down the line, and it was Vilas backhand because I cannot think like that. It's impossible. The pleasure comes only if I win. Le plaisir vient seulement quand je gagne. I win. Because I won. That's all. C'est tout. Jerry change de raquette. Tom donne la balle à Jerry et le jeu reprend. When I won, I say good, I won. I'm glad I won. I don't like to lose. That's a pleasure. I don't have pleasure when I play. When I'm not playing tournaments, I can have some pleasure, but it's a stupid pleasure. Le plaisir que je peux avoir quand je ne joue pas dans un tournoi est un plaisir stupide. You are doing something good and you know and you're not is that you are not one you're thinking that you're doing quand vous faites quelque chose de bien et que vous pensez que vous le faites bien, ça devient très compliqué. It's very kind of philosophical. When you are doing something 100% to your best perform, you have to be so aware of your arms, your heart. Quand on fait quelque chose à 100%, il faut être conscient de ses bras, de son cœur, de sa raquette, et c'est presque douloureux. Because you have to get aware of everything. It's very difficult. C'est très difficile. You only get the pleasure when you want it. Je crois que c'est un jeu d'assassinat, parce que si je gagne, vous êtes morte. Ted Tinling. Si vous gagnez, je suis mort. Il n'y a pas la place pour deux personnes, il n'y a pas d'alibi. Comme au golf, vous jouez contre le terrain, le tennis, vous jouez contre votre adversaire, il n'y a pas place pour deux dans le jeu de simple. C'est très simple, très primitif. Je me demande si, ça c'est, je crois que dans tout le sport, mieux en joue, peut-être moins en a un certain plaisir à jouer. pour le jeu lui-même. On aime la performance, on aime le succès, on a peur de la perte. Et le plaisir de jouer, je crois, s'en va à mesure qu'on devient de mieux en mieux. Dès qu'on commence à gagner des tournois, je crois qu'on commence à perdre le plaisir naturel de jouer. Et dès qu'on commence à parier, je n'ai jamais de ma vie voulu jouer pour l'argent, parce que si on joue pour l'argent, je crois qu'on perd énormément le plaisir. It used to be just for playing. Avant, c'était juste pour jouer, mais maintenant, je joue pour gagner. Virginie Ruzic. Because if you don't win, even if you play a great game, parce que si vous ne gagnez pas, nobody cares. Même si vous jouez très très bien, les gens s'en foutent. And if you don't win, you don't get anything. You have et si vous ne gagnez pas, vous n'avez rien. Really, il faut gagner pour être vraiment satisfait. Le plaisir de gagner, c'est la contreface de la monnaie du déplaisir de perdre. Yon Tiriac. Ah, faute ! Jerry a simplement oublié de rendre la balle. Ah, double faute ! Le point est à Tom. Je ne sais pas si je vais gagner, mais je n'aime pas perdre. Et je n'ai pas rencontré un seul joueur qui aime perdre. C'est un sport physique, puis moral aussi. Parce qu'il faut être très concentré, puis... pas s'énerver trop, et puis... savoir jouer les points aussi. Il faut savoir où placer la balle, essayer de déborder l'adversaire, puis... pas doué, mais il faut s'entraîner surtout. Ouais, faut être doué. Si t'es pas doué et si tu t'entraînes, bah tu feras rien non plus. Hein. Quelqu'un qui est pas doué du tout et qui passe ses journées sur un court, bah il sera pas forcément champion. Hein. Il faut avoir la volonté aussi. N'importe qui... dans un match, par exemple, s'il ne veut pas gagner, ben, il ne gagnera pas. De toute façon, c'est une qualité qu'il faut absolument avoir. Parce que si dès qu'on perd un point, on se dit ben, c'est fini, ça ne sert à rien de faire des tennis. Je suis très ambitieux et égoïste. Il faut l'être pour devenir un champion. Je suis lion, je ne m'occupe pas de mon adversaire, mais de moi-même. C'est moi qui donne son sens au jeu et non l'inverse. Tout commence en moi-même. I think everything starts in myself. Vivre, c'est être égoïste. And as I said before, I think life is very selfish, and everything you do in life should be selfish. Ça passe par le psychisme et c'est pourquoi le tennis est intéressant. Le mental joue un rôle, joue 70% de la partie et Borg. Juliette Mills. Dans la vie, ne fait absolument aucun break avec le moment du court, c'est-à-dire que quand il sort du court, il est encore concentré. Quand je le retrouve au restaurant privé des joueurs et qu'il mange tout seul ou avec son entraîneur, il ne sourit jamais. C'est un homme, c'est un jeune homme, s'il vient d'avoir 22 ans. À 22 ans, j'ai gagné deux fois Roland-Garros, entre parenthèses, ou en plus Wimbledon, ce qui est quand même vraiment extraordinaire pour son cas. Mais c'est un jeune homme concentré dans la vie, parce qu'il a une volonté d'acier. Et c'est très très net, c'est une volonté formelle de gagner et de vaincre. Jamais on vous fait un cadeau, on ne vous donne pas une victoire. Il faut la gagner. Et c'est une immense joie parce que c'est une victoire surtout sur soi-même. Pierre Barthez. Et ça demande une part de chance, mais une telle volonté, une telle puissance. Il faut tellement se battre contre soi-même, beaucoup plus que contre un adversaire. Parce qu'on est sans arrêt en déprime, c'est un va-et-vient de joie, parce qu'on a eu une certaine chance ou de réussite, et puis tout d'un coup la chance tourne et l'adversaire aussi ne vous fait pas exactement ce que vous voudrez. Alors il faut savoir se dominer à tous les niveaux, pas casser sa raquette, dire des insanités. Savoir se reprendre, savoir analyser ce qui se passe. Hein. Je crois que c'est une merveilleuse éducation pour la vie parce que tous les jours vous devez être, je sais pas, vous êtes en... C'est la même chose je pense que dans la vie. Je crois que tous les grands hommes dans leur vie, que ce soit dans le monde sportif, en l'occurrence Borg, que ce soit des hommes politiques... Patrice Dominguez. On a vu des hommes se tourner dès le plus jeune âge sur le plan politique. Giscard d'Estaing, on avait dit, son père avait dit, j'en ferai un président de la République. Bon, peut-être que l'action dès le départ du père de Giscard d'Estaing a été de le déterminer son fils dans cette direction-là. Je pense au leader actuel, Jacques Chirac, a été depuis toujours déterminé sur une action politique. Par ailleurs, il a une vie personnelle, une vie familiale, mais il est déterminé sur un axe. Et cet axe-là est le plus important de sa vie et les autres choses sont sur des circuits parallèles mais qui n'interfèrent pas cet axe-là. Envoyer la balle hors des limites, un atout considérable. Un lob lifté 4 fois sur 5 sur le revers de l'adversaire. Un smash gagnant 15 partout. Jouer à plein l'effet de surprise. Une balle pleine ligne. Ne pas s'affoler. Un challenger sans réaction. Un passing de revers à son adversaire. Un appétit insatiable de une balle de service net. Un tournoi impitoyable. Un point très important. Une première balle de service défaillante. Monter à la volée. Un monstre du tennis. La supériorité de la jouer la sécurité à un mètre devant la ligne de fond. Y croire encore, y croire jusqu'au bout. Prendre à contre-pied son adversaire. Avoir un tennis affirmé et conquérant. Être mené sur son service. Avoir des jambes toujours bien replacées. Se poser des questions. Une volée au centre. Un smash gagnant. Tenter une amortie. Effectuer un excellent retour. Être couvert de poussière. Imprimer une cadence du fond du court. Être en position dangereuse. Une pression qui devient terrifiante. Voler être perdu comme si on avait à mi-cours. Fait toujours ça. Subir la supériorité incontestable. Une balle de son d'égalisation adversaire. À 5 jeux partout. Essayer de trouver une faille dans le jeu ou dans le mental de son adversaire. Un très beau passing shot. Commencer à craquer définitivement. Abuser perdre de sa la raquette sous la violence de son service. Être gêné un par beau les smash de son adversaire. Sur un lob trop. Les joueurs de tennis sont des êtres humains qui ont les émotions un peu plus développées que les autres. Ils sont plus gentils, plus méchants, plus intéressants, moins intéressants. Ils sont. Plus, c'est des humains, plus quelque chose, plus un élément. Être couvert de poussière. Imprimer une cadence du fond du court. Être en position dangereuse. Une pression qui devient terrifiante. Être perdu à mi-court. Toujours ça. Subir la supériorité incontestable. Une balle d'égalisation à 5 jeux partout. Essayer de trouver une faille dans le jeu ou dans le mental de son adversaire. Un très beau passing shot. Commencer à craquer définitivement. Abuser de la raquette sous la violence de son service. Être gêné par les retours de son adversaire. Sur un lob trop court. Ne pas être le numéro 1 mondial par hasard. Avoir tout à refaire. And I'm hitting a ball and I say, it's going to be there. And it goes out for an inch from the place I said. And I say, okay, now it has to be there. Again, and it goes out for another inch. And but it's always there, very near. That's perfection. Essayer inlassablement d'envoyer la balle vers un point précis, c'est tendre à la perfection. But I can aim for it. And I'm very happy when I can do it. And I la perfection est inaccessible. On ne peut qu'y aspirer. Un joueur de tennis est un artiste qui doit recommencer sans cesse les mêmes choses. Car rien n'est jamais acquis. Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant, qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis. C'est un loisir. Une chose me se détend. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Si some extent, the people who go around these tournaments must be there to win some money. En fait, les gens qui vont à ces tournois sont là pour gagner de l'argent. S'ils ne gagnaient pas de l'argent maintenant, bon, je ne crois pas qu'ils viendraient. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. À Wimbledon avant 1968, les gens venaient en amateur, pas en professionnel, donc ils ne gagnaient pas d'argent. Peut-être que Wimbledon est unique, un peu différent de Forest Hill et Paris et les autres grands tournois. Et Wimbledon a encore la réputation d'être le plus grand tournoi du monde. Et peut-être que l'argent n'a pas une telle importance ici, mais... Money. Vraiment, et avec toute la honnêteté, on ne pense jamais à l'argent, non. Ça veut dire qu'on a dépassé déjà un certain niveau. On ne va pas mourir de faim. On a la possibilité d'avoir plus ou moins, aux raisons normales, tout ce qu'on veut. Alors, à mon avis, ce n'est pas un problème si, par exemple, Borg il fait 2 millions par an, je parle des dollars, ou 1 800 000. On ne pense pas à la dollar, à la franc, à la... je sais pas... à la sterling quand on joue. Après, tu dis, bon, je gagnais, je le double de ce qu'il y a lui là qui a fait. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go around, that clinking, clanking sound. Pourtant, ce qu'on perd, bon, il faut en perdre. Les grands champions, ils perdent une somme d'argent. Oui, voilà. Ils perdent aussi leur première place. Ils perdent leur... En fait, plus un champion perd moins la somme et il perd plus l'honneur. Quand on est champion, comme Geoffrey ou comme... Et là, c'est comme tout ça. Non plus haut. Borg et tout ça, voilà. Même les contrats avec leur tenue, ça leur fait gagner de l'argent. Oui, et puis ils sont gratuits. Ah oui, mais s'ils gagnent plus, il n'y aura plus de contrats. Oui, mais ils ont toujours de l'argent. Mais rien qu'importe, c'est leur tenue. Ils sont un commerce. Ils ont plus d'un million alors. Ils ont des poussines. It's great to make a lot of money. C'est formidable de gagner beaucoup d'argent avec le tennis. I'm not playing first for money. Mais je ne joue pas d'abord pour l'argent. Je joue pour la gloire d'abord. Pour la gloire pour moi et pour mon pays. Because it's very important for my country. C'est très important pour mon pays, Roumanie, d'avoir quelqu'un qui le représente et de faire bien pour eux. D'abord, je joue pour mon pays, pour moi-même, et puis après pour l'argent. That might be strange. That might be unusual. Peut-être ça c'est bizarre pour vous et pour les autres. Mais parce que je viens d'un pays socialiste, je pense que je joue d'abord pour la gloire. C'était il y a tout juste un an. Wimbledon fêtait son centenaire. Présent à la cérémonie, championnes et champions qui ont marqué le plus vieux tournoi du monde. Elizabeth Ryan, 85 ans, qui en double a gagné le nombre record de 19 championnats à Wimbledon. Kitty Godfrey, 80 ans, championne de Wimbledon, c'est elle la doyenne des anciens vainqueurs en simple dame. Jean Borotra, le basque bondissant, vétéran des champions de Wimbledon. On peut s'amuser, dans une partie il y a des va-et-vient, on peut s'amuser, on peut prendre un immense plaisir, on joue bien, on contrôle cette partie, elle est à vous, et le public est là, il y a une ambiance, il y a tout ça qui fait que vous pouvez effectivement être super bien, ça devient des moments fantastiques. Mais ça ne dure pas, parce que immédiatement l'adversaire est là pour vous remettre en place en me disant attention, mon vieux, j'existe et je ne suis pas là pour te faire bien jouer. L'Australien Rod Laver qui a gagné ici en tant qu'amateur et en tant que professionnel. Billie Jean King qui joue de nouveau cette année, battant par là même le record de participation de Miss Riyadh. Parce qu'il n'y a qu'une chose pour un champion qui compte finalement, c'est... On a posé une question il y a trois jours devant moi à Villas, un monsieur au Stade français où il s'entraîne tous les jours, qui lui a dit est-ce que vraiment vous préférez bien jouer, très bien jouer, ou est-ce que vous préférez gagner? Et j'étais à côté, c'est moi qui ai pris la parole, j'ai dit franchement c'est pas sérieux de poser une question comme ça. Vous pouvez pas poser une question comme ça à un champion, c'est pas possible, qui bien jouer s'en fiche complètement. La défaite est tellement triste. Jimmy Connors, le mal-aimé, ancien vainqueur, classé tête de série numéro 1, qui s'est esquivé de la cérémonie. Nastaz, le comique qui détend l'atmosphère, moitié clown, moitié vilain, une offense à la dignité de la cérémonie. C'est un combat, le tennis c'est un combat, on est face à face. Ou alors qu'on aille s'amuser, s'entraîner, mais qu'on ne parle pas de compétition, qu'on ne parle pas de champion, parce que le champion c'est une bête à victoire. Il y a qu'une, je m'excuse, c'est peut-être brut, mais c'est la vérité. La défaite pour lui, c'est quelque chose de terrible. Pour lui, pour ce monsieur qui a posé la question, peut-être qu'il préférait bien jouer. Il y a plein de gens qui aiment bien jouer, se sentir bien. Alors, qui se regardent dans une glace et qui s'admirent en train de faire des coups et qui rêvent. Par Anne André, Anna de Carvalho, Yvette Tuchban, avec les voix de Marie-Pierre Perrault et Graham Tears. Collaboration technique, Robert Altaber, Michel Créis. Nuit, magnétique. Bruno Argoulon, Claire Figueras, Jean-Jacques Palix, Yvette Tuchban, Anna de Carvalho. Bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois, le 26 mars 1979, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.